Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie. Bitte. Es geht zu Rosemarie. Jawohl, zu Rosemarie. Rosemarie! Rosemarie!